Section 5 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1, quatrième partie, Les fils de Philippe le Bel, par Alfred Coville. Louis X. Le règne de Philippe le Bel eut comme un épilogue. Ses trois fils lui succédèrent avec une singulière rapidité en 14 ans. L'aîné, Louis X, était un jeune homme de 24 ans, qui n'était guère attentif à ce qu'au royaume il fallait. Le vrai roi fut son oncle, Charles de Valois, exigeant et dur, le cœur plein de rancune pour les hommes et les souvenirs du règne précédent qui n'avait pu satisfaire ses vastes ambitions. Avec Charles de Valois était toute la société féodale humiliée, dépouillée et ruinée par un siècle de gouvernement royal. Si tard qu'il fût, les nobles avaient à tenter un dernier effort pour défendre leurs droits, leurs intérêts et jusqu'à leurs plaisirs. La mesure de cet esprit de réaction est donnée par les infortunes d'Enguerrand de Marigny. Charles de Valois ne lui pardonnait pas d'avoir été plus avant que lui dans la confiance royale. Le peuple lui attribuait la dernière maltôte. Tous enviaient sa richesse, ses domaines, qui comptaient, disait-on, 1700 villages, ses revenus, qu'on faisait monter à 30 000 florins. Il avait été le maître des finances. Il avait administré à sa volonté les trésors du Louvre et du Temple. Par là, on pouvait l'atteindre. Déjà, pour se garantir, il avait obtenu de Philippe le Bel une vérification complaisante de ses comptes, qui devait le mettre à l'abri. L'affaire fut reprise avec le nouveau roi. En dépit des ennemis qui le poursuivaient, on ne trouva rien. Des lettres de janvier approuvèrent sa gestion et le déchargèrent pour tout le passé. Ce n'était pas le salut. L'attaque fut bientôt recommencée avec une nouvelle énergie par Charles de Valois. Toutes les accusations furent reprises. On en ajouta une plus terrible. La dame de Marigny et quelques gens malfamés avaient, disait-on, envoûté le roi et Charles de Valois. D'autres griefs mystérieux furent encore invoqués. Louis X, mis au courant, dit « J'ôte de lui ma main et des ors en avant ne m'en entremets ». Il fut condamné au gibet par une assemblée de barons, puis pendu à Montfaucon, au plus haut étage. Les chartes provinciales. Le procès de Marigny n'était qu'un épisode. Une partie du royaume semblait emportée par l'esprit de réaction. Les ligues formées en 1314 par les nobles, soutenues par les gens des communes et d'églises, ne s'étaient point dissoutes. Un assaut allait être livré à la royauté nouvelle. 3 mois après avoir succédé à Philippe le Bel, Louis X commença à capituler. Bien rares sont les renseignements sur ces faits curieux. Mais les chartes où furent enregistrées les concessions du pouvoir royal nous sont parvenues. La première est celle de la Normandie, datée de mars 1315, renouvelée au mois de juillet. Elle maintenait dans la province la monnaie de Saint-Louis, prohibait la question pour les hommes libres, sauf les cas extraordinaires, adoucissait la torture, affranchissait l'échiquier de tout appel, obligeait la royauté à envoyer des enquêteurs pour surveiller et réformer ses agents, reconnaissait diverses coutumes locales en matière de procédure. Surtout, elle déclarait quittes et libres de toute autre obligation les seigneurs et leurs hommes, une fois les services féodaux ordinaires rendus, sauf le cas d'extrême nécessité. Ce fut la charte aux Normands, point de départ de tous les privilèges locaux, chers à la province pendant des siècles. Malgré les garanties qu'elle donnait aux barons, elle était bien moins un acte de réaction féodale qu'une reprise de l'esprit local. La Normandie en bénéficiait tout entière. Elle se constituait ainsi des privilèges exceptionnels que l'avenir devait développer. La charte normande fut la première et la plus grave. D'autres suivirent, en avril et mai. C'est la Bourgogne, avec le comté de Forez, où la noblesse plus active et plus forte obtient une charte plus spéciale avec reconnaissance du gage de bataille, restriction de la saisie royale, diminution des amendes et garanties contre la justice du roi. C'est la Champagne, la Picardie, le Languedoc, l'Auvergne, la Bretagne, dont les chartes furent moins explicites. Selon chaque pays, les concessions varient, sans doute en raison des exigences. En Normandie, le roi promet de ne plus lever que ses revenus ordinaires. En Champagne, il renonce à l'aide de l'ost sur les hommes des seigneurs. En Vermandois, il interdit seulement la levée du dernier subside. Partout, il promet, d'une façon générale et vague, d'en revenir au temps de Saint-Louis. La variété de ce mouvement de réaction et des concessions royales qui en résultèrent diminua beaucoup le danger. Un assaut général devenait plus que jamais impossible. En réalité, la féodalité n'en tira pas grand profit pour arrêter sa décadence. Mais les pays qui arrachèrent ces chartes à la royauté s'assurèrent ainsi une vie originale et même quelque apparence d'autonomie. Philippe V et les assemblées. Louis X semble n'avoir passé sur le trône que pour faire ses concessions inquiétantes. Vainement, il tenta une expédition en Flandre pour contraindre le comte au respect des traités. Il mourut sans postérité mâle, 1316. Son frère, le comte de Poitiers, Philippe V le Long, son successeur, devait être un des rois les plus laborieux de la race capétienne. Il avait le génie organisateur. Il a laissé un nombre incroyable d'ordonnances, de règlements, de lettres. Un des traits les plus curieux de cette activité, c'est qu'il s'efforça d'associer ses sujets à ses entreprises, sans doute pour éviter le retour des troubles provinciaux. Pendant les 5 années de son règne, les assemblées se succèdent avec une fréquence inconnue. Les représentants des villes y figurent presque toujours, quelquefois seuls. Ce furent d'abord les bourgeois de Paris, appelés à une réunion de prélats et de barons au lendemain du sacre. Et là, ils contribuèrent à décider une question grave entre toutes, que femme ne succède point au royaume de France. 2 février 1317. Puis aussitôt viennent les grandes réunions. Au mois de février et de mars 1317, 2 assemblées, composées de députés de Bonneville, se tiennent à Paris et à Bourges. À Paris, les villes demandent bon droit, bonne justice, sécurité, des capitaines dans les villes et dans les bailliages, pour assurer l'ordre et la paix. À Bourges figurent plus de 100 villes de Languedoc. Les députés délibèrent plusieurs jours, parlent longuement, demandent des réformes administratives, des mesures de paix qui doivent rétablir l'âge d'or du règne de Louis IX. Le roi promet et, par une très importante ordonnance du 7 avril, impose des règles sévères à ses officiers. Ce n'est pas tout. Peu après, ce sont les États généraux tout entiers pour les 2 moitiés du royaume, tenus à Paris. Il y fut question d'expéditions lointaines, de croisades, par suite de subsides à lever. L'année 1318 fut mieux remplie encore. Le roi réunit des assemblées d'une manière presque continue, et ces assemblées marquent déjà mieux leur volonté. Il s'agissait cette fois d'une question que le gouvernement royal réglait volontiers avec le concours des villes. Des monnaies. Philippe V poursuivit avec une grande persévérance la suppression des monnaies seigneuriales et locales. Par suite, l'établissement de l'unité monétaire à son profit. Ce n'était pas seulement pour lui une question de principe. Il faut reconnaître qu'il aurait eu à cette réforme grand profit qu'elle dissimulait une taxe nouvelle. Philippe V avait ordonné à ses baillis de saisir dans les forges les pièces en fabrication, dans les boîtes les espèces fabriquées, d'envoyer le tout avec les coins à Paris pour que la Chambre des comptes pût en faire l'essai. Pour soutenir cette hardiesse, il appela les députés des villes du Nord et du Midi pour le mois de février 1318 à Paris. Il annonçait son intention de réformer les monnaies pour le bien de tous et de faire l'unité. Il eut beau multiplier les assemblées partielles pour le Midi, le Nord et le Centre, la question ne put être réglée. Avec l'unité des monnaies, le roi voulait réaliser par les mêmes moyens l'unité des poids et des mesures. Chaque ville et chaque fief avaient ses mesures, et c'était pour le commerce une difficulté dont nous ne pouvons plus, aujourd'hui, nous faire une idée exacte. Ces choses extraordinaires, bien inattendues chez un roi du XIVe siècle, que cette tentative, dont on ne peut contester, quels qu'en aient été les mobiles, la grande portée. Ce qui n'est pas moins curieux, c'est la résistance que ces projets rencontrèrent dans les villes, qui ne pouvaient comprendre alors combien l'unité préparait l'égalité. Une première assemblée, réunie en juin 1320, n'eut pas de résultat. L'année suivante, 1321, les mêmes questions furent reprises plus vivement. Au mois de juin, les États étaient convoqués à Poitiers. Il s'agissait de l'unité monétaire, de l'unité des mesures. Pour faire ces réformes, le roi demandait de l'argent. C'est ce qui produisit le plus d'impression et le plus de surprise. Le clergé approuva les idées supérieures qui dirigeaient la pensée du roi, mais ne voulut s'engager au sujet du subside. Les deux ordres laïcs ne donnèrent pas de meilleures réponses. C'était mauvais signe. Philippe V, qui était tenace, fit revenir les gens des bonnes villes au commencement de juillet. L'esprit local du Midi apparut dans toute sa force. Les villes de Languedoc demandèrent, à l'encontre des désirs du roi, qu'on laissât cour aux monnaies seigneuriales, sa arrière faite de bons coins et de bonnes forges. Bien plus, elles réclamèrent une monnaie spéciale pour la Languedoc. On était loin du compte. Les villes de la Languedoil n'avaient pas les mêmes idées. Elles demandaient que le roi ordonne que les barons cessent d'ouvrer par aucun temps. C'était une démonstration platonique qui donna bon courage au roi. Au mois d'octobre 1321, à Orléans, nouvelle assemblée pour tout décider et arrêter les voies et moyens. Les résistances se manifestèrent plus vives et plus craintives. Les réponses furent naïves, presque enfantines, mais bien significatives. Elles montrent la force des habitudes locales, de la vie isolée et défensive. On était accoutumé aux monnaies, aux mesures locales. C'était même un orgueil que d'avoir ces mesures. La portée générale de la réforme demandée échappait. Et puis, on sent que le vrai, le grand souci, c'est avant tout d'échapper à une nouvelle aide, quel qu'en soit le but, l'utilité même. Devant cette préoccupation, tout cède. Les ordonnances. Le gouvernement de Philippe le Long fut plus heureux dans son activité législative. Chaque année du règne, de 1316 à 1322, est marquée par une série d'ordonnances très étudiées, fort complètes. C'est comme la codification successive de tous les progrès de fait réalisés par les institutions royales depuis un siècle, travail nécessaire dont l'heure était venue. Le règne de Philippe V est comme le tournant de l'histoire des institutions capétiennes. Par les ordonnances rendues au nom du roi, elles sont organisées, pourvues des rouages essentiels pour l'avenir. La période de création se clôt au milieu de toute cette réglementation. Une nouvelle période s'ouvre qui doit donner le développement normal. Tout y passe ainsi, hôtel, 1316, 1317, 1318, 1322. Conseil, 1316, 1318. Parlement, 1316, 1318, 1319, 1320. Forêt, 1316, 1317. Amortissement, 1320. Administration financière, 1318, 1320. Comptabilité et trésor, 1317, 1318, 1320. Chambre des comptes, 1318, 1320. Etc., etc. La royauté est définitivement armée. Cependant, le peuple de France a mal jugé le gouvernement si actif et si hardi de ce prince. La réforme monétaire, l'unité des mesures n'ont pas été comprises. On ne s'est pas aperçu non plus qu'il avait si souvent associé les trois ordres à sa politique, que son règne avait définitivement établi sur des usages constants la puissance des États généraux. Le peuple ne s'est souvenu que des impositions dont il avait été frappé, ou seulement menacé, et il a maudit la mémoire de Philippe le Long. Voici ce que dit à peu près le continuateur de Guillaume de Nangis. Cette année 1321, vers le début d'août, le roi fut pris de dysenterie et de fièvre. Aucun médecin ne put le soulager. Cela dura 5 mois. On se demanda si la cause de sa maladie n'était pas dans les malédictions du peuple, irritées des exactions inouïes qu'il subit. Après avoir touché et baisé les saintes reliques avec humilité et dévotion, le roi s'en trouva beaucoup mieux. Mais peu après, il retomba gravement malade et il dit « Je sais que j'ai été guéri par les prières de Saint-Denis, mais que la maladie m'a ressaisi pour mon mauvais gouvernement. » Peu de jours après, il mourut, et cette mort, de son aveu même, parut un châtiment d'en haut. Charles IV est la fin des Capétiens directs. Comme Louis X, Philippe le Long ne laissait que des filles. Et ce fut le dernier des fils de Philippe le Bel qui lui succéda. Charles IV dit également le Bel. Des 6 années qu'il régna, bien peu de faits considérables surnagent. Au reste, il n'y a encore sur le détail de son gouvernement que des indications sommaires. Comme Philippe le Long à son avènement, il eut à négocier pour garder à la fois le trône et l'héritage de Navarre et de Champagne, réclamé encore une fois par une de ses nièces. Il importait grandement, au milieu de ses morts successives, des droits sans cesse opposés, de garder à la royauté de telles acquisitions. Les difficultés reprirent avec l'Angleterre. Un simple château bâti sur un territoire douteux amena le séquestre de la Guyenne par Charles de Valois et l'établissement d'un sénéchal français. Le Parlement délibéra. Il y eut changement de roi en Angleterre. Au jeune Édouard III, Charles IV eut l'imprudence de rendre la Guyenne tout en gardant le pays d'Agen. D'autre part, de grandes ambitions semblent un instant l'avoir tourmenté. Il avait épousé Marie de Luxembourg, sœur de Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Jean voulait l'Empire. Il essaya vainement d'y arriver en promettant le royaume d'Arles au roi de France. Un autre prince allemand fit mieux. Il proposa à Charles IV l'Empire. Le pape, Jean XXII, en lutte avec Louis de Bavière, avec les Gibelins d'Italie, avec les franciscains révoltés, le soutiendra. Une convention préparatoire fut conclue. Tout échoua aussitôt. Louis de Bavière fit la paix avec les partisans du roi de France et s'en fut fait de ce nouveau rêve d'empire. 2 ans après, Charles IV disparaissait à son tour. La descendance mâle de Hugues Capet est finie. Près de 3 siècles et demi s'étaient écoulés depuis l'avènement définitif des Capétiens. Ils ont grandement travaillé, ils ont fait une royauté et un royaume, ils ont gagné la terre et créé des institutions. Surtout, ils ont fait leur puissance assez solide et assez forte pour résister aux pires épreuves. Fin de la section 5.